بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، nous commençons ce matin en demandant l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala, la lecture et la tentative de traduction d'un livret intitulé Usul wa Dawabit fi al-Takfir de son auteur le Cheikh Abdel Latif ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى. livre édité par le noble Cheikh عبد السلام ابن برجس العبد الكريم رحمه الله. donc c'est un livre qui traite des fondements et règles relatives au sujet du takfir. usul, donc fondements, وضوابط, règles relatives au sujet du takfir. Le takfir, c'est le fait de statuer de la mécréance. Et en français, on l'appelle parfois anathématisation ou encore excommunication. Et parfois, il y a d'autres manières de traduire le sens de ce terme-là, takfir, qui est donc le fait de statuer de la mécréance. Yirhamukallah. Le Cheikh Abd al-Salam ibn Barjas, rahimahullah, a dit en introduction de la vérification de ce livre, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Les louanges sont à Allah, Seigneur des mondes, et qu'il accorde ses éloges et le salut à notre prophète Mohammed, ainsi qu'à sa famille et à l'ensemble de ses compagnons. Ceci dit, هذا خطاب محرر كتبه العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى لرد فتنة خطيرة طالما زخرفها الشيطان فتساقط بعض المنتسبين إلى الخير في شركها وظنوها حقا. تلك الفتنة هي فتنة التكفير التي ترتبط جذورها بالخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأفسدوا أيما فساد مع ما فيهم من طول صلاة وكثرة صيام حتى أن الأمة في القرون المفضلة تحقر صلاتها عند صلاتهم وصيامها عند صيامهم كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. Donc c'est un communiqué écrit par le grand savant le Cheikh عبد اللطيف ابن عبد الرحمن. Qu'Allah lui fasse miséricorde. En réplique à de dangereux troubles embellis par le diable, dans lesquels sont tombés un à un des gens se réclamant du bien, du fait qu'ils ont considéré ces troubles-là comme étant des manifestations de la vérité. Ces troubles qui sont visés sont ceux du takfir, dont les racines sont liées aux khawarij, qui se sont soulevés contre l'émir des croyants, Ali ibn Abi Talib, Allah l'agré. Et ils ont ainsi causé énormément de corruption, bien qu'ils étaient de ceux qui priaient longtemps et jeûnaient beaucoup, à tel point que les générations privilégiées de cette communauté méprisèrent leurs prières à la vue de la leur et leurs jeûnes à la vue du leur, comme en a informé le véridique digne de confiance, que les éloges d'Allah et le salut soient sur lui. وقد سئل نافع كيف رأي ابن عمر في الحرورية؟ قال يراهم شرار خلق الله، إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. فسر سعيد بن جبير بذلك، فقال مما يتبع الحرورية من المتشابه قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقرنون معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، ومن كفر عدل بربه، ومن عدل بربه فقد أشرك، فهذه الأمة مشركون، فيخرجون فيقتلون ما رأيت، لأنهم يتأولون هذه الآية. فهذا حال المبتدعين لهذه الفتنة المشعرين لنارها عند سلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين من الصحابة والتابعين. نافعة كاستوني كالي لا بوزيسيون ابن عمر concernant الحرورية. الحرورية ce sont les خوارج qui sont nommés ainsi en référence à la région dans laquelle ils se sont réunis pour la première fois, en Irak. Et Nafi a donc répondu, ils les considèrent comme les pires créatures d'Allah. Ils ont considéré des versets qui ont été descendus concernant les mécréants, et ils les ont appliqués sur les croyants. Saïd ibn Jubair fut réjoui de cette information-là et il a dit, parmi ce que Al-Haruriya suivent, comme équivoque, la parole de l'exalté dans la traduction approximative du sens est la suivante, et quiconque ne juge pas avec ce qu'Allah a fait descendre, alors cela, ou plutôt, et ceux qui ne jugent pas avec ce qu'Allah a fait descendre, alors ceux-là sont les mécréants. Et il rajoute à cela la lecture du verset suivant, puis ceux qui ont mécru donnent des égaux à leur Seigneur. C'est ainsi que lorsqu'il voit que l'imam ne juge pas, ou juge avec autre que la vérité, lorsqu'il voit que l'imam juge avec autre que la vérité, ils disent « il a mécru ». Or, celui qui a mécru, il a donné des égaux à son Seigneur. Et celui qui a donné des égaux à son Seigneur, alors il a certes commis du polythéisme. C'est ainsi que cette communauté est une communauté polythéiste. Et c'est ainsi qu'il se soulève et qu'il tue, comme tu peux le constater, du fait qu'ils interprètent mal ce verset. Fin des propos, ici, de Saïd ibn Jubayr. C'est donc là l'état de ceux qui ont causé ces troubles-là, et qui attisent le feu de ces troubles. Et c'est de cette manière-là que les considérer les pieux prédécesseurs, qu'Allah les agrée tous et sans exception, parmi les compagnons et la deuxième génération de l'islam. ورسالتنا هذه سوف تعالج هذه الفتنة عن طريق بيان منهج السلف الصالح في قضايا التكفير، فمن سار على نهجهم نجا إن شاء الله مما غبت هذه الفتنة، ومن حاد عنه تخطفه كلالبها. وكان سبب هذه الرسالة أن جماعة من أهل الدين في هذه البلد أو في هذا البلد نزعهم علق خارجي، فخاضوا في مسائل التكفير بغير علم، فأتوا بالطامات ولجوا في متاهات، فكفروا بما ليس مكفرا من الأعمال، وكفروا من ليس كافرا في شرع الله تعالى، ولم يقتصروا على ذلك، بل افتروا على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ونسبوا أنفسهم إليه وزعموا أن أفكارهم هذه مستمدة من كتبه. فلما بلغ بهم الأمر هذا المبلغ استدعاهم عالم نجد ومفتيها العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع، فكشف شبهتهم وأدحض حجتهم وبرأ ساحة جده شيخ الإسلام منهم ومن منهجهم، فرجعوا وفاءوا إلى الحق في ذلك المجلس، ثم نكسوا على أعقابهم وأصروا على باطنهم. L'épître que nous avons sous les yeux va donc traiter du sujet de ces troubles-là, et ce, en clarifiant la voie des pieux prédécesseurs dans ces questions liées au takfir. Puis ceux qui chemineront sur leur voie seront sauvés, incha'Allah, des méandres de ces troubles. Quant à ceux qui viendront à s'écarter de leur voie, ils seront happés par leur crochet. Et la cause de l'écriture de ce livre-là, c'est qu'il y avait certaines personnes parmi les religieux de ce pays qui ont eu à un moment donné un penchant kharijite et qui se sont mis à patauger dans les sujets liés au takfir sans science. Et ils sont venus avec des calamités et se sont présentés avec des aberrations. Étant donné qu'ils ont statué de la mécréance en se basant sur des actes qu'ils avaient vus et qui n'étaient pas des annulatifs, et qu'ils ont statué de la mécréance de ceux qui n'étaient pas mécréants aux yeux de la religion d'Allah l'exalté. Et ne se sont pas contentés de cela, mais ils ont même forgé des mensonges à l'encontre du shir de l'islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala, et ils se sont réclamés de lui, et ont prétendu que leurs idéologies étaient fondées sur ce que l'on peut trouver dans ces livres. Et lorsqu'ils en sont arrivés à ce stade-là, le savant du Najd, son mufti, le grand savant, Abd al-Latif, Ibn Abd al-Rahman, Ibn Hassan, Ibn Sheikh al-Islam, al-Imam Muhammad Ibn Abd al-Wahhab, qu'Allah leur fasse tous miséricorde, les a en quelque sorte convoqués et a dévoilé leur ambiguïté et a anéanti leur argumentation et a innocenté son grand-père de leurs agissements et de leur voix. Suite à cela, ils sont revenus à la vérité durant cette assise. Cependant, ils sont revenus sur leurs pas par la suite et se sont enfoncés dans leur égarement. Donc ici, c'est le grand savant Abd al-Latif, Ibn Abd al-Rahman, Ibn Hassan, qui lui-même est le fils du shir de l'islam, Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Donc, le shir Abd al-Latif fait partie de la descendance du shir de l'islam, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahumullah. وكان من المقالات التي ينطوون عليها أن إمام المسلمين في ذلك الوقت أو في ذاك الوقت كافر، لأنه يكاتب الملوك المصريين وهم كفار عندهم، بل كفروا المشايخ لأنهم يجالسون أولئك الأئمة الذين يكاتبون هؤلاء الملوك. ومن مقالاتهم أن أهل الأحساء كفار بحجة أن أهلها يجالسون ابن فيروز ويخالطونه، وهو وأمثاله ممن لم يكفر ممن لم يكفر بالطاغوت ولم يصرح بتكفير جده عفى الله عنه الذي رد دعوة الشيخ محمد. قالوا ومن لم يصرح بكفره فهو كافر بالله لم يكفر بالطاغوت، ومن جالسه فهو مثله. هذا بعض ما ينطوون عليه من الباطل والضلال. Donc il fait partie de leur conviction qu'il renferme que l'imam des musulmans à cette époque-là était mécréant du fait qu'il communiquait avec les rois égyptiens qui, selon eux, étaient des mécréants. Ils sont même allés jusqu'à statuer de la mécréance des cheikhs, étant donné que ces derniers côtoyaient ces imams-là qui communiquaient avec les rois que nous avons mentionnés. Également parmi leurs convictions, le fait que les habitants d'Al-Ahsa sont des mécréants, en se basant sur le fait qu'ils côtoient Ibn Fayrouz et qu'ils le fréquentent, alors qu'Ibn Fayrouz ainsi que ses semblables ne mécroient pas au Tarout et n'ont pas statué clairement et ouvertement de la mécréance du grand-père d'Ibn Fayrouz, qu'Allah lui pardonne, qui avait rejeté l'appel du Shir Muhammad. Et ils ont dit, celui qui ne dit pas clairement qu'il est mécréant, alors il est lui-même mécréant à Allah. Et il n'a pas mécru au Tarout. Et quiconque le fréquente est similaire à lui. Et cela donc se représente une partie de ce que ces gens-là ont renfermé comme conviction. وهو من جنس ما تنطوي عليه بعض الجماعات الإسلامية الآن من تكفير المجتمعات المحكومة من قبل الطواغيت الذين يحكمون بالقوانين الوضعية بحجة أنهم دخلوا تحت هذا الحكم فهم راضون به فهم كفار لهذا. وقد رد الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأفكار وأمثالها في هذه الوريقات النافعة على سبيل الاختصار، إذ إن هذه الرسالة خطاب أرسل منه إلى بعض هؤلاء المنحرفين، نسأل الله تعالى أن ينفع بها المسلمين وأن يأخذ بأيديهم إلى سواء السبيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي الهامش تنبيه للشيخ المحقق يقول فيه الأصول التي ذكرها الشيخ المؤلف في هذه الرسالة مأخوذة من كتاب ابن القيم الصلاة، أشار إلى ذلك الشيخ ابن السحمان في الرسالة الملحقة بكتاب كشف غياهب الظلام هكذا. Donc le shir de continuer dans cette introduction en disant « Et tout cela est du même acabit que certains groupes islamiques peuvent couvrir actuellement comme takfir visant les sociétés qui sont dirigées par certains tawarit qui jugent et qui gouvernent avec des lois humaines. Du fait que ces sociétés-là sont concernées par leur jugement et leur manière de gouverner. Et c'est ainsi que, c'est comme s'ils les agréaient. Et c'est ainsi qu'ils sont mécréants de ce fait. Et le shir, l'auteur, rahimahullah, a réfuté ce genre d'idéologie et ceux qui pourraient s'y apparenter dans ces quelques feuillets profitables, et ce de manière résumée, étant donné qu'à la base, cet épître est un communiqué qu'il a envoyé à certains de ces personnes déviantes. Et nous demandons à Allah l'exalter, qu'il rende cela profitable aux musulmans, et qu'il les prenne par la main vers le droit chemin. Il est certes celui qui en est capable, et qu'il couvre d'éloges et salue notre prophète Mohammed, ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Le Cheikh Abdus Salam a dit, dans la marge, il a attiré l'attention vers le fait que les fondements que le Cheikh, l'auteur, a mentionnés dans cet épître-là, ils sont tirés et puisés du livre d'Ibn al-Qayyim intitulé As-Salah, la prière. Et c'est le Cheikh Ibn al-Sahman qui a fait référence à cela dans certains de ses livres. On peut retenir de ce chapitre plusieurs points. Le premier de ces points-là, c'est la place importante qu'occupe le domaine de la réfutation dans l'islam. Et parmi les méthodes observées par les ulama, dans la réplique à ceux qui s'opposent à la vérité, il y a le fait d'exposer la voix des adeptes de la sunna dans les sujets en question, comme c'est le cas ici du Cheikh Abdel Latif, qui, en réplique aux idéologies que vous avez entendues, a écrit ce communiqué dans lequel il expose des règles et fondements relatifs à ce sujet. Deuxième point, le fait que certaines personnes se réclamant de la vérité puissent tomber dans le faux en le considérant vrai. Troisième point, le fait que le takfir, qui n'est pas régi par les règles de l'islam, est une source de trouble. Quatrième point, le fait que cette idéologie puise ses fondements dans celle des Khawarij qui se soulevèrent contre Ali. Cinquièmement, la description des Khawarij dans la Sunna et la valeur qu'ils avaient aux yeux des compagnons. On peut mentionner à ce propos ce à quoi a fait allusion le Cheikh Abdus Salam rahimahullah ta'ala en disant que les premières générations de l'islam, les générations privilégiées, les trois premières générations, allaient en venir à mépriser leurs prières et leurs jeûnes face aux prières et aux jeûnes de ces gens-là. Malgré tout, ces gens-là, comme l'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, ils sortent de la religion comme sort la flèche du gibier. Puis, ils n'y retournent pas. Parmi les descriptions qui ont été faites par le prophète, alayhi salatu wassalam, de ces gens-là, c'est qu'ils tuent les adeptes de l'islam et qu'ils délaissent les adorateurs des idoles, que les polythéistes. Parmi la description que le prophète alayhi salatu wassalam a fait de ces gens-là, le fait que ce sont les chiens de l'enfer. Quant à la valeur qu'ils avaient aux yeux des compagnons, vous avez pu en avoir un aperçu lorsque Nafi' a clarifié la position qu'avait Ibn Omar face à ces gens-là et qu'il est considéré comme étant les pires créatures d'Allah. Et il faut savoir que les compagnons se sont clairement désavoués des Khawarij, à tel point que lorsque Ibn Abbas, comme cela a été rapporté par Al-Hakim d'Al-Mustadrak, qu'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, a débattu avec une grande partie d'entre eux, il leur a dit, regardez, il n'y a parmi vous aucun d'entre eux, c'est-à-dire parmi vous les Khawarij, aucun d'entre eux, c'est-à-dire d'entre les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci fut suffisant pour statuer de leur égarement. Sixième point qu'on peut retenir de cette introduction, l'argumentation des Khawarij, qui est fondée sur le fait de se baser sur des textes équivoques. Ce qui est équivoque, c'est ce dont la connaissance religieusement voulue nécessite la prise en considération d'autres textes. Donc quand on dit qu'ils se sont basés sur des textes équivoques, on vise par l'équivoque ce dont la connaissance religieusement voulue nécessite la prise en considération d'autres textes. Et comme vous le savez, le fait de se baser sur ce qui est équivoque des textes, c'est là la méthodologie de ceux qui ont un penchant vers l'égarement dans le cœur. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans sourate Al-Imran, « هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Il est celui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui constituent la base fondamentale du livre, et d'autres qui sont sujets à équivoque. Quant à ceux qui ont dans leur cœur une déviance, ils suivent ce qui en est équivoque, en recherchant par là la dissension et la mauvaise interprétation. Or, nul n'en connaît le sens si ce n'est Allah et ceux qui sont enracinés dans la science. Ces derniers disent, nous y croyons fermement. Tout cela provient de notre Seigneur, et seuls ceux qui sont doués d'intelligence se souviennent. Donc tu vois dans ce verset-là qu'il y a dans le livre des versets qui sont sans équivoque, dans le sens où tu n'as pas besoin d'autres textes pour comprendre le sens qui est religieusement voulu par ces textes. Et il y a d'autres textes qui sont équivoques, dans le sens où tu as besoin d'autres textes pour comprendre le sens qui est religieusement voulu par ces textes-là qui sont équivoques. Également dans ce verset-là, tu te rends compte de la méthodologie des gens de la vérité qui sont ancrés dans la science. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent tout cela vient de notre Seigneur. Dans le sens où ils considèrent ce qui est équivoque à la lumière de ce qui ne l'est pas. Et c'est ainsi que tu dois te comporter. Ce qui est équivoque, tu dois le renvoyer à ce qui ne l'est pas. Et ça donc, ça contient l'incitation à l'apprentissage de la science authentique, tirée du Coran et de la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, afin que tu connaisses justement ce qui est sans équivoque, et que tu puisses renvoyer ce qui est équivoque à ce qui ne l'est pas. Et également, tu vois dans ce verset, que parmi les habitudes des gens du faux, le fait de suivre ce qui prête à équivoque. Parmi eux, les Khawarij, qui se sont basés sur la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, et ceux qui ne jugent pas avec ce qu'Allah a fait descendre, alors ceux-là sont les mécréants. Et ils n'ont pas considéré les autres textes se rapportant à ce sujet-là. Et à partir de là, ils ont qualifié de mécréants toute personne qui viendrait à juger par autre que la vérité, et ce de manière absolue. Or, on va voir qu'il y a un détail à apporter et un approfondissement à faire concernant cela. D'ailleurs, on peut se rendre compte dans cette introduction, et c'est là le septième point, des conséquences mauvaises du fait de considérer absolu ce qui mérite d'être détaillé. Notamment cette question, celle du fait de juger par autre que ce qu'Allah a fait descendre, qui est basée sur le verset que vous venez d'entendre, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, et ceux qui ne jugent pas avec ce qu'Allah a fait descendre, alors ceux-là sont les mécréants. Et il y a différents cas de figure qui se présentent ici. Un premier cas de figure, c'est celui de la personne qui va juger avec autre que ce qu'Allah a révélé, en considérant que c'est meilleur que la loi d'Allah. Un deuxième cas de figure, celle qui va considérer que c'est identique en valeur à la loi d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Troisième cas de figure, celle qui va juger par autre que ce qu'Allah a révélé, en visant un bien de ce bas monde, mais tout en reconnaissant que la loi d'Allah, tabaraka wa ta'ala, est meilleure. Ou encore, le cas, et c'est un quatrième cas, de la personne qui est apte à fournir un effort de compréhension dans la religion et qui porte un jugement et qui se trompe dans ce jugement-là. Les deux premiers cas de figure constituent de la grande mécréance qui fait sortir de l'islam. Quant au troisième cas, c'est ce que l'on appelle une mécréance mineure. Ou comme l'a dit Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, et on va le voir plus loin, une mécréance en deçà d'une mécréance. Kufrun duna kufr. C'est-à-dire une mécréance mineure qui ne fait pas sortir de l'islam. Et le quatrième cas de figure, la personne, étant donné qu'elle est apte à fournir un effort de compréhension, et qu'elle a fourni cet effort-là, et qu'elle s'est trompée, elle bénéficiera, si Allah le veut, d'une récompense du fait de son effort de compréhension, ijtihad. Donc il y a un détail à apporter. Et on peut se rendre compte des conséquences mauvaises du fait de considérer absolu ce qui mérite d'être détaillé. Car ça a mené ces gens-là à considérer comme mécréants des gens qui en vérité ne l'étaient pas, et par la suite à se soulever contre eux et à faire couler le sang des musulmans et à semer la terreur au sein des musulmans, qu'Allah nous en préserve. Donc les Khawarij, ils se basaient sur ce genre d'argumentation. Et il faut savoir que chaque peuple à ses héritiers. Et qu'à notre époque, nous trouvons parmi les takfiriyin, ainsi que parmi les haddadi, des gens qui se concentrent sur des sujets, tels que l'excuse par l'ignorance, ou l'établissement de la preuve avant le takfir, en tendant vers la négation absolue de tout cela, en penchant vers le fait qu'il n'y a aucune excuse par l'ignorance, et également penchant vers le fait que l'établissement de la preuve avant le takfir n'est pas une condition, et en cherchant à nier cela de manière absolue, et en insistant sur ces genres de sujets-là, et en qualifiant d'égarés ceux qui s'opposent à eux dans ce genre de sujet-là. Il faut savoir que ces égarés contemporains, ils cherchent par là à en arriver à ce à quoi en étaient arrivés les Khawarij de l'époque, à savoir le fait de statuer de la mécréance de ceux qui en vérité ne sont pas mécréants. Et il faut savoir que ces gens-là, le sort de Amr et de Zayd ou de Bakr, ne les importe peu en réalité. En vérité, ce qui leur importe, ce qui les intéresse, c'est d'en arriver au cas des gouverneurs musulmans. C'est là qu'ils veulent en arriver. Toutes ces questions-là, elles te mènent à la fin à ce sujet. C'est ainsi que les graines du soulèvement contre les gouverneurs et du terrorisme, tu les retrouves dans ces groupes-là. C'est pour cela que le jeune musulman, ou le moins jeune, il doit être éveillé face à ce genre de discours. Et il doit se rendre compte de ce que les gens qui tiennent ces discours-là recherchent derrière tout cela, afin de ne pas se faire avoir. Et c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui accorde le succès et qui préserve. Huitième point que l'on peut retenir de cette introduction, le fait que le salut réside dans l'attachement à la voie des salafs. Neuvième point, la cause de l'écriture de ce livre, c'est de couper court aux prémices de la révolte et du soulèvement contre les gouverneurs et des effusions de sang et des troubles et dissensions qui peuvent par la suite toucher l'ensemble des musulmans. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a fait mention d'une anecdote dans son livre Al-Bidaya wa Al-Nihaya, qui concerne l'émir des croyants Marwan ibn Muhammad ibn Marwan, ibn al-Hakam ibn Abi al-As, ibn Umayya, qui était le dernier des califes Umayyad, qui a dit à un de ses proches, alors que les Abbasides les avaient encerclés, il a dit, ne vois-tu pas dans quelle situation nous sommes? Que de regrets pour une patrie non secourue, pour un travail qui n'a pas été payé, pour des efforts non reconnus et des bienfaits non accompagnés de reconnaissance. Donc il visait par là cette patrie qui n'a pas été secourue, ce travail et ces efforts qui n'ont pas été payés et reconnus, c'est-à-dire les efforts des dirigeants, et également ces bienfaits qui n'ont pas été accompagnés de reconnaissance, c'est les bienfaits d'Allah, qui n'ont pas été accompagnés de reconnaissance de la part de ses serviteurs. Et un de ses servants, qui était présent, lui dit alors, celui qui néglige l'enfant jusqu'à ce qu'il grandisse, ce qui est infime jusqu'à ce qu'il se multiplie, ce qui est caché jusqu'à ce qu'il apparaisse, et qui retarde le travail du jour jusqu'au lendemain, sera mené à subir bien plus encore. Ici donc, le servant il a voulu montrer que ce genre de troubles-là et de problèmes, il faut les traiter à la racine dès qu'ils commencent à apparaître, et il ne faut pas attendre qu'ils grandissent et qu'ils deviennent apparents. Et c'est donc pour cela que l'auteur, le Cheikh Abdel Latif, rahimahullah, a écrit ce livre-là afin de couper court aux prémices de la révolte et du soulèvement et avant ça du takfir. Dixième point, l'innocence du cheikh de l'islam Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala de ce genre d'idéologie-là. Le fait qu'il est innocent de cela. Et c'est là un point très important, surtout à une époque où bon nombre d'ennemis de l'islam, qui sont relayés par les innovateurs qui se réclament de l'islam, prétendent que Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala, est la source du takfir et du terrorisme à notre époque, ce qui est faux. Et c'est d'ailleurs ce entre autres a prouvé l'auteur dans ce livret. Onzième point, parmi les convictions de ce genre d'individus, de ce genre de khawarij, le fait de considérer comme un annulatif de l'islam ce qui n'en est pas un. Et ça, c'est basé sur deux choses qu'on peut retrouver ici. La confusion entre ce qui est absolu et ce qui doit être détaillé, comme on l'a vu quand le Cheikh Abdessalam, rahimahullah ta'ala, a fait mention de certaines des convictions que ces gens-là renferment, en disant que l'imam des musulmans à leur époque était mécréant, étant donné qu'il communiquait avec les rois égyptiens qui, selon eux, étaient des mécréants. Donc, eux, ils ont considéré ça comme de l'alliance avec les mécréants, sachant que le fait de s'allier aux mécréants est interdit. Mais ils n'ont pas détaillé cette question-là, la question de l'alliance, et on a pu l'aborder récemment. Le fait qu'il y a des choses qui sont considérées par certaines personnes comme faisant partie de l'alliance avec les mécréants, et donc interdites, alors qu'en vérité, ça fait partie de ce qui est permis dans la religion. Donc, ils ont fait preuve de confusion entre ce qui est absolu et ce qui doit être détaillé. Deuxièmement, la méconnaissance de la valeur religieuse des choses, qui en vérité peut être liée au premier point, à savoir le fait de ne pas détailler ce qui mérite de l'être. Et ça, ça se manifeste notamment dans le fait que ces gens-là, ils ont également statué de la mécréance des ulama qui côtoyaient ces imams, que eux-mêmes avaient considérés comme étant des mécréants. C'est-à-dire ces khawarij, ils avaient considéré ces imams comme mécréants. À partir de là, ils ont vu qu'il y avait des ulama qui les côtoyaient, donc ils ont statué de la mécréance de ces ulama. Et ça, donc, c'est dû au fait qu'ils ne connaissaient pas le statut religieux du fait que les ulama côtoient ou se mêlent aux émirs. Et ils ont considéré cela comme formellement interdit de manière absolue. Et c'est ainsi qu'ils en sont venus à taxer de mécréants ces ulama. D'ailleurs, le Cheikh Abdussalam, rahimahullah, a écrit un livre qui s'appelle « Qat'u al-Mira » « Fi hukmi d-dukhul ala al-umara » qui vise justement à clarifier cette question-là. Qu'en est-il religieusement du fait que les ulama côtoient les émirs? Et donc il a montré, il a mis en évidence la vérité et la position de juste milieu relative à ce sujet-là. Douzième point, la comparaison qui est faite avec les takfiris contemporains. L'auteur de cette introduction, le Cheikh Abdussalam, à la fin de l'introduction, donc, il a fait le rapprochement avec les groupes islamiques contemporains, qui tendent à statuer de la mécréance des sociétés qui sont gouvernées par les tawarites qui ont ou qui gouvernent par les lois humaines. Et ils disent, étant donné qu'ils sont concernés par leur jugement et leur manière de gouverner, c'est comme s'ils agréaient cela, et c'est donc des gens qui agréent la mécréance, et c'est ainsi que ce sont des mécréants selon eux. Donc c'est un enchevêtrement de une succession de convictions erronées qui est basée sur une introduction qui, à la base, est erronée. Et il faut savoir que, actuellement, le takfir, il revient au groupe et au mouvement des Ikhwan, l'Ikhwan al-Muslimoun. D'où la dangerosité de ce groupe, de ce mouvement, qui a deux orientations, yarhamukallah. Une orientation générale, et ce sont les Ikhwan que tu connais comme tels, dès que tu les vois, dès que tu les entends, tu sais que ce sont les Ikhwan al-Muslimoun. Et il y a une orientation qui est cachée. Et cette orientation-là, c'est celle des Qutbiyoun et des suiveurs de Mohamed Sourour, qui, quant à eux, insistent beaucoup sur ces sujets de takfir. Et il faut savoir que les deuxièmes cités emboîtent le pas des premiers. C'est-à-dire ceux qui ont une orientation cachée. Quand on dit cachée, c'est dans le sens où leur appartenance au mouvement des frères musulmans n'est pas apparente. Mais en vérité, ils emboîtent le pas des frères musulmans apparents et ils servent leur cause. C'est pour ça que tu te rends compte qu'à notre époque, le takfir, il revient de manière générale au mouvement des frères musulmans. Même s'il y a d'autres mouvements qui servent cette cause-là. Mais de manière générale, ça revient aux frères musulmans. Tu peux même trouver parmi les tablir. Et c'est ce que certains ulama, certains mashayikhs ont prouvé. Tu peux trouver donc chez les tablir, les takfiriyoun. Et tu te rends compte que bien souvent, le mouvement tablir est une rampe de lancement vers le takfir. Comme certains mashayikhs l'ont prouvé. Treizième point, le fait que les gens du faux font parfois mine de délaisser leur position erronée face à la force des arguments des adeptes de la sunna. Puis ils reviennent à ce sur quoi ils étaient auparavant. Et on peut retenir de ce fait-là une leçon, à savoir le fait que l'innovateur, lorsqu'il revient, lorsqu'il laisse apparaître le retour vers la sunna, il ne faut pas s'empresser. Et il faut, comme on dit, le laisser venir. Et attendre de voir est-ce que son retour est un retour véridique ou pas. Et c'est donc, en résumé, ce qu'on peut retenir de cette introduction. Et on continuera donc avec le début du communiqué écrit par le Cheikh Abdel Latif, rahimahullah. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وفيكم بارك الله C'est à qui celui-là? C'est à toi, Marcel?